Elle a eu beau prétexter un faux problème d'alcool, la société m'a à jamais mutilé cette conne. Par ce dédommagement sous la forme d'une chaise roulante, elle ne pensait pas m'offrir la plus belle des revanches. J'ai enfin ce dont tout le monde rêve, d'avoir tous les droits, de pouvoir vous rouler sans scrupule, sans foi ni loi. C'est à elle de se